Et voilà, donc un petit documentaire sur Claire Fraîcheburg et Cathy Fanneck. À tout à l'heure. Là, il y a la répétition dans la salle. Donc on entend les violons. Et j'aimais bien aussi son nom, la salle des veillées. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, c'était pour veiller dans la guerre, la dernière guerre. C'était l'armée qui veillait au cas où il fallait faire quelque chose. Donc, c'était plutôt une question d'alerte. Moi, dans ma tête, la veillée, c'était plutôt soit veiller au bord d'un feu, avec écouter des histoires, soit veiller les morts. Et là, j'avais plutôt envie que ça soit une veillée un peu collective aussi avec le public qui passe, de plutôt ce qui naît. D'archipel, de ce que justement ce que s'appelle et qu'est-ce qui pourrait naître ou engrosser et rester dans son ventre. Elle s'appelle ce que le jour pèle. L'idée, c'est de voir le bâtiment comme un bâtiment sensible, un organisme vivant qui accueille différents événements, festivals, qui sont comme des fluides qu'il traverse. Et je voulais capter ce fluide d'archipel et j'avais envie qu'on puisse rentrer dans son ventre. C'était comme un organisme. Et du coup, ben, les sous-sols, ça me paraissait l'approprier. Qu'on rentre ici et qu'on entende comme si c'était étouffé, comme à travers une membrane, c'est ça que j'essaye de faire. Il y a aussi, je voulais aussi penser le bâtiment, lui donner une prolongation pour qu'il puisse rendre son côté sensible. Alors du coup, j'ai prolongé les murs avec des membranes qui sont tactiles et on entend aussi du coup sa peau. Elles sont translucides et elles ont des clous qui sont un peu comme les poils internes des organes ou de la peau. Et là, on se retrouve à l'intérieur de la peau. Et du coup, en touchant ces poils, on active le son. Ben en fait, je pense que ma proposition, elle va sonner que par la vie qui va se passer dans le bâtiment, que ce soit les musiciens, mais aussi les spectateurs qui vont passer, que ce soit qu'on va les entendre depuis un lointain ou quand ils vont être ici, ils vont aussi avoir une influence, que ce soit en touchant ou juste en se baladant, ça va influencer ce qu'ils vont entendre. J'ai un peu l'image, depuis que j'ai cette image du ventre, pour moi c'est vraiment le bébé qui entend ce côté un peu sous l'eau. Qu'on entend les voix mais qu'on ne discerne pas forcément les mots. Et en vrai c'est très aléatoire parce que suivant la source, et c'est là que c'est difficile à calibrer, c'est que en début d'après-midi ils étaient en train de tester le système son en haut et c'était tellement fort. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et puis des fois il y a le silence du bâtiment puis c'est très très léger. Mais j'aime bien aussi ce côté où c'est très fluctuant parce qu'un organisme vivant il a la nuit, le jour et il y a des moments actifs, des moments moins actifs. Ça va être tous les gens qui vont passer, qui vont la faire vivre. Donc c'est ça que j'aimais bien aussi à la veillée, c'est qu'on va collectivement porter le festival. Je suis Rudy, je t'ai écrit un message. Ça va? Oui, ça va. On est où? Maintenant, je suis en train de installer tout et c'est presque fini, j'espère. Ça veut dire que je vais maintenant chercher l'électricité et alors regarder si ça marche. Si tout marche, alors je vais encore attacher tous les câbles à les différents, que c'est fait plus, comment on dit, que c'est un peu nettoyé, que c'est un peu mis en ordre. On doit souffler alors. Tunneling and less pressure for my climate resilient water supply and sanitation. Every year. Special labor organization reports that common sense green economy policy. Donc ça dépend combien on souffle. Quand on souffle un petit peu, on entend juste le clic. And gas industries. Moi, je suis déjà un peu du trop, donc alors on entend aussi les voix qui sont des politiciens qui parlent du climat, de changement de climat, et ils sont tout en train de dire « Ah, c'est très urgent, on doit vraiment faire quelque chose ». Moi j'aime qu'ils sont si passionnés. Au même temps, on sait, quand on les entend, on pense ils vont changer toutes les lois demain. Et alors on se réalise, non, c'est pas comme ça. C'est leur façon de parler de ça, mais donc ils le savent. Mais au même temps, on ne change pas beaucoup. Et c'est aussi avec le souffle, c'est très facile de souffler de trop. Donc alors on entend des sons très forts, que sont des enregistrements des mines de carbone, de l'industrie, donc qui est très mauvais pour le climat. Et quand on souffle encore plus, on entend le tout, qui est un alarme que j'ai fait des sons de vent mixés avec des sons d'un alarme dans les mines, quand il se passe quelque chose dans les mines, que c'est l'alarme. Une des choses que je veux, c'est qu'on cherche pour ses voix, et on essaye de souffler et pour avoir le bon résultat, de vraiment être capable de comprendre les voix. C'est presque pas possible parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui change, et ça, c'est pour moi un peu le même quand on pense à la politique du climat. C'est aussi comme ça qu'on change un peu comme ça, mais alors au même temps c'est mauvais de nouveau pour quelque chose d'autre. Donc c'est très difficile de trouver l'équilibre de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui est juste une politique. J'aime aussi cette artificialité qu'il y a le vent dans un bâtiment. Parce que le vent, déjà, c'est pas du vrai vent, c'est un vent artificiel. C'est un vent fait avec l'ordinateur. C'est juste quand on souffle pas, il y a le vent, et quand on commence à souffler, le vent disparaît. Quand on entend les politiciens, ce qu'ils disent dans ces speeches que j'ai utilisés, ils sont tout, c'est très, très clair ce qu'ils disent. Ils disent c'est ça, on doit faire comme ça, on doit être vite parce que ça change, etc. Et au même temps, on sait qu'il ne se passe rien, donc il ne passe pas rien, mais il ne passe pas beaucoup, ou on a l'impression au moins pas assez, et c'est aussi ce qu'ils disent. Donc, et c'est sa différence entre ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'est beaucoup plus l'insécurité des solutions, de la politique. Et je pense que le son, ce qui est bien dans le son, est que c'est très bien pour l'insécurité, parce que le son, c'est juste là, dans ce moment. On ne peut pas regarder et analyser ça tranquillement parce que c'est déjà passé. Ce n'est pas comme une image ou l'art visuel où on peut regarder pendant une heure, mais avec le son, c'est passé immédiatement. Donc c'est ça, je pense, que ce qui m'intéresse aussi, qu'on peut jouer, parce qu'on peut penser, j'ai quand même juste entendu ça et maintenant je ne l'entends plus. Quand on souffle plus, on ne va plus entendre les politiciens, donc on doit souffler pour les entendre. Quand on souffle, c'est beaucoup plus difficile d'entendre parce qu'on est en train de faire quelque chose. Mais quand on arrête à souffler, il disparaît. Mon nom est Cathy Van Eck et la pièce est Try to Turn the Wind. With gains of $26 trillion predicted by 2060, compared with business as usual, if we pursue the right path. For example, for every dollar spent restoring degraded forests, as much as $30 will be put in economic benefits and poverty reduction. And restoring the great land that allowed to become a farm. City. Climate is what supports. Radio, la radio du festival Archipel, en direct, de 10h à midi, sur archipel.org.